Mais, se repentant vite, il jura qu'il n'avait pas vécu un seul jour sans être ravagé par son souvenir. « Je n'en crois absolument rien, monsieur. Cependant, vous savez que je vous aime. » Madame Arnoux ne répondit pas. « Vous savez que je vous aime. » Elle se taisait toujours. « Eh bien, va te promener, » se dit Frédéric. Et, levant les yeux, il aperçut, à l'autre bout de la table, Mademoiselle Rock. Elle avait cru coquet de s'habiller tout en vert, couleur qui jurait grossièrement avec le ton de ses cheveux rouges. Sa boucle de ceinture était trop haute, sa collerette l'engonçait. Ce peu d'élégance avait contribué sans doute au froid à bord de Frédéric. Elle observait de loin, curieusement. Et Arnoux, près d'elle, avait beau prodiguer les galanteries, il en pouvait tirer trois paroles, si bien que, renonçant à plaire, il écouta la conversation. Elle ouvrait maintenant sur les purées d'ananas du Luxembourg. Louis Blanc, d'après Fumichon, possédait un hôtel rue Saint-Dominique et refusait de louer aux ouvriers. « Moi, ce que je trouve drôle, » dit Nonancourt, « c'est Ledru Rollin chassant dans les domaines de la couronne. »« Il doit 20 000 francs à un orfèvre, » ajouta Sizi, « et même on prétend... » Madame d'Ambroise l'arrêta. « Ah, que c'est vilain de s'échauffer pour la politique. Un jeune homme, fi donc, occupez-vous plutôt de votre voisine. » Ensuite, les gens sérieux attaquèrent les journaux. Arnoux prit leur défense. Frédéric s'en mêla, les appelant des maisons de commerce pareilles aux autres. Leurs écrivains, généralement, étaient des imbéciles ou des blagueurs. Il se donna pour les connaître et combattait par des sarcasmes les sentiments généreux de son ami. Madame Arnoux ne voyait pas que c'était une vengeance contre elle.